La marquise de Brinvilliers. Troisième partie. Cependant, tant de trépas dans une seule famille, non seulement affligeaient le cœur, mais épouvantaient l'esprit. La mort n'est point haineuse, elle est sourde et aveugle, voilà tout. Et l'on s'étonnait de son acharnement à détruire tout ce qui portait un même nom. Pourtant, nul ne soupçonna les vrais coupables. Les regards se perdirent, les recherches s'égarèrent. La marquise prit le deuil de ses frères, Sainte-Croix continua ses folles dépenses, et tout marcha dans l'ordre accoutumé. Pendant ce temps, Sainte-Croix avait fait connaissance avec le sieur de Saint-Laurent, le même dont Pénautier avait sollicité la charge sans pouvoir l'obtenir, et s'était lié avec lui. Quoique dans l'intervalle, maître Pénautier eût hérité du sieur Le Sec, son beau-père, qui était mort au moment où l'on s'y attendait le moins, lui laissant la seconde charge de la bourse du Languedoc et des biens immenses, il n'avait point cessé de convoiter la place de receveur du clergé. En cette circonstance encore, le hasard le servit. Quelques jours après avoir reçu de Sainte-Croix un nouveau domestique nommé Georges, M. de Saint-Laurent tomba malade, et sa maladie présenta bientôt les mêmes caractères de gravité que l'on avait remarqué dans celle de messieurs Daubré, père et fils. Seulement, elle fut plus rapide, car elle ne dura que 24 heures. Enfin, comme eux, M. de Saint-Laurent mourut en proie à des douleurs atroces. Le même jour, un officier de la cour souveraine vint pour le voir, se fit conter tous les détails de la mort de son ami, et sur le récit des symptômes et des accidents, dit devant les domestiques au notaire Saint-Fré qu'il fallait faire ouvrir le cadavre. Une heure après, Georges avait disparu sans rien dire à personne et sans demander ses gages. Les soupçons en augmentèrent, mais cette fois encore, ils restèrent dans le vague. L'autopsie présenta des phénomènes généraux qui n'étaient point précisément particuliers au poison. Seulement, les intestins que la substance mortelle n'avait point eu le temps de brûler comme ceux de messieurs Daubré étaient tachetés de points rougeâtres pareil à des piqûres de puces. En juin 1669, Pénautier obtint la charge du sieur de Saint-Laurent. Cependant, la veuve avait conçu des soupçons qui furent presque convertis en certitude par la fuite de Georges. Une circonstance vint encore à l'appui de ses doutes et en fit une conviction. Un abbé qui était des amis du défunt et qui connaissait la circonstance de la disparition de Georges le rencontra quelques jours après dans la rue des Maçons, proche de la Sorbonne. Ils étaient tous deux du même côté et une charrette de foin qui suivait la rue faisait une barrière à cet endroit. Georges lève la tête, aperçoit l'abbé, le reconnaît pour un ami de son ancien maître, se coule sous la charrette, passe de l'autre côté et, au risque d'être écrasé, échappe à la vue d'un homme dont le seul aspect lui rappelle son crime et lui en fait craindre la punition. Madame de Saint-Laurent porta plainte contre Georges, mais quelques recherches que l'on fit de cet homme, on ne put le retrouver. Cependant, le bruit de ces morts étranges, inconnues et subites, se répandait dans Paris qui commençait à s'en épouvanter. Sainte-Croix, toujours élégant et joyeux cavalier, croisa ces rumeurs dans les salons qu'il fréquentait et il en prit de l'inquiétude. Nul soupçon, il est vrai, ne planait encore sur lui. Mais cependant, les précautions n'étaient point inutiles. Sainte-Croix pensa à se faire une position qui le mit au-dessus de cette crainte. Une charge chez le roi était prête à vaquer. Elle devait coûter 100 000 écus. Sainte-Croix, comme nous l'avons dit, n'avait aucune ressource apparente. Le bruit ne s'en répandit pas moins qu'il allait l'acheter. Ce fut à belle guise qu'il s'adressa pour traiter de cette affaire avec Pénautier. Elle éprouva cependant de la part de celui-ci quelques difficultés. La somme était forte. Pénautier n'avait plus besoin de Sainte-Croix. Il avait fait tous les héritages qu'il comptait faire. Il essaya donc de le faire renoncer à ce projet. Voilà ce qu'écrivit alors Sainte-Croix à Belle-Guise. Est-il possible, notre cher, qu'il faille vous faire de nouvelles semonces pour une affaire qui est aussi belle, aussi importante et aussi grande que celle que vous savez et qui peut nous donner à tous deux le repos pour la vie? Pour moi, je crois que le diable s'en mêle ou que vous ne voulez pas raisonner. Raisonnez donc, notre cher, je vous en prie, et vertigez ma proposition à contrepoil. Prenez-la du plus méchant biais du monde et vous trouverez que vous devez encore me satisfaire sur le pied que j'ai établi les choses pour votre sûreté, puisque tous nos intérêts se trouveront en cette rencontre. Enfin, notre cher, aidez-moi, je vous prie, soyez bien persuadé d'une parfaite reconnaissance et que jamais vous n'aurez rien fait de si agréable au monde, pour vous et pour moi. Vous le savez assez, puisque je vous en parle encore avec plus d'ouverture de cœur que je n'ai fait à mon propre frère. Si tu peux donc venir cet après-dîner, je serai au logis ou dans le voisinage, au lieu en question, où je t'attendrai demain, ou j'irai te trouver, suivant ta réponse. Je serai de tout à toi et de tout mon cœur. Le logis de Sainte-Croix était rue des Bernardins, et le lieu du voisinage où il devait attendre Belle-Guise était cette chambre qu'il avait louée chez la veuve Brunet, au cul-de-sac de la place Maubert. C'était dans cette chambre et chez l'apothicaire Glaser que Sainte-Croix faisait ses expériences. Mais, par un juste retour, cette manipulation de poison était fatale à ceux qui les préparaient. L'apothicaire tomba malade et mourut. Martin fut atteint de vomissements terribles qui le mirent à l'agonie. Sainte-Croix lui-même, indisposé mais sans en savoir la cause, ne pouvant plus même sortir tant sa faiblesse était grande, fit transporter un fourneau de chez Glaser chez lui, afin, tout souffrant qu'il était, de continuer ses expériences. C'est qu'en effet Sainte-Croix était à la recherche d'un poison si subtil que sa seule émanation pouvait tuer. Il avait entendu parler de cette serviette empoisonnée avec laquelle le jeune dauphin, frère aîné de Charles VII, s'était essuyé en jouant à la pomme et dont le contact lui avait donné la mort. Et des traditions presque vivantes encore lui avaient raconté l'histoire des gants de Jeanne d'Albret. Ses secrets s'étaient perdus, et Sainte-Croix espérait les retrouver. C'est alors qu'arriva un de ces événements étranges qui semblent non point un accident du hasard, mais une punition du ciel. Au moment où Sainte-Croix, penchée sur son fourneau, voyait la préparation fatale arriver à son plus haut degré d'intensité, le masque de verre dont il se couvrait le visage pour se garantir des exhalaisons mortelles qui s'échappaient de la liqueur en fusion se détacha tout à coup et Sainte-Croix tomba comme frappé de la foudre. À l'heure du souper, sa femme, ne le voyant pas sortir du cabinet où il s'était enfermé, vint frapper à la porte. Personne ne lui répondit, et comme elle savait que son mari s'occupait d'œuvres sombres et mystérieuses, elle craignit qu'il ne lui fût arrivé malheur. Elle appela ses domestiques qui enfoncèrent la porte, et elle trouva Sainte-Croix étendue à côté du fourneau et ayant près de lui le masque de verre brisé. Il n'y avait pas moyen de dérober au public les circonstances de cette mort subite et étrange. Les domestiques avaient vu le cadavre et pouvaient parler. Le commissaire Picard fut requis pour mettre les scellés et la veuve de Sainte-Croix se contenta de faire disparaître le fourneau et les débris du masque. Le bruit de cet événement se répandit bientôt par tout Paris. Sainte-Croix était fort connue, et la nouvelle qu'il allait acheter une charge à la cour avait encore répandu son nom. La chaussée apprit, l'un des premiers, la mort de son maître, et ayant su que l'on avait apposé les scellés sur son cabinet, il se hâta de former une opposition en ces termes. Opposition de la chaussée, qui dit qu'il y avait 7 ans qu'il était au service du défunt, qu'il lui avait donné en garde depuis 2 ans, 100 pistoles et 100 écus blancs, qui doivent être dans un sac de toile derrière la fenêtre du cabinet, et dans lequel il y a un billet, comme la dite somme lui appartient. Avec un transport d'une somme de 300 livres qui lui était due par feu M. Daubré, conseiller, le dit transport par lui fait à la serre, et 3 quittances de son maître d'apprentissage, de 100 livres chacune, lesquelles, sommes et papiers, il réclame. Il fut répondu à la chaussée qu'il eut à attendre le jour de la levée des scellés, et que si toute chose était comme il le disait, ce qui lui appartenait lui serait rendu. Cependant, la chaussée n'était point le seul qui se fût ému à la mort de Sainte-Croix. La marquise, à qui tous les secrets de ce cabinet fatal étaient familiers, avait, dès qu'elle avait su cet événement, couru chez le commissaire et, quoiqu'il fût 10 heures du soir, elle avait fait demander à lui parler. Mais il lui avait été répondu, par le premier clerc, nommé Pierre Frater, que son maître était couché. La marquise avait alors insisté, priant qu'on le réveillât, et réclamant une cassette qu'elle voulait avoir sans qu'elle fût ouverte. Le clerc était en conséquence monté à la chambre à coucher du sieur Picard, mais il en était redescendu en disant que ce que la marquise demandait était impossible en ce moment, attendu que le commissaire dormait. Madame de Brinvilliers, voyant que ses insistances étaient inutiles, s'était alors retirée en disant qu'elle enverrait le lendemain un homme la chercher. En effet, cet homme vint dès le lendemain, offrant de la part de la marquise 50 louis au commissaire s'il voulait lui rendre cette cassette. Mais celui-ci avait répondu que la cassette était sous les scellés, qu'elle serait ouverte lorsqu'on les lèverait, et que si les objets que réclamait la marquise étaient effectivement à elle, ils lui seraient fidèlement rendus. Cette réponse fut un coup de foudre pour la marquise. Il n'y avait pas de temps à perdre. Elle retourna en toute hâte de la rue Neuve-Saint-Paul où était sa maison de ville, à Picpus où était sa maison de campagne, et le soir même elle partit en poste pour Liège, où elle arriva le surlendemain et se retira dans un couvent. On avait apposé les scellés chez Sainte-Croix le 31 juillet 1672 et l'on procéda à leur levée le 8 août suivant. Au moment où l'on commençait l'opération, un procureur, chargé des pleins pouvoirs de la marquise, comparut et fit insérer cet acte au procès-verbal. Et comparut Alexandre de la Mare, procureur de la dame de Brinvilliers, lequel a déclaré que, si dans la dite cassette réclamée par sa mandataire, il se trouve une promesse signée d'elle de la somme de 30 000 livres, c'est une pièce qui a été surprise d'elle et contre laquelle, en cas que sa signature soit véritable, elle entend se pourvoir pour la faire déclarer nulle. Cette formalité remplie, on procéda à l'ouverture du cabinet de Sainte-Croix. La clé en fut présentée au commissaire Picard par un carme nommé Frère Victorin. Le commissaire ouvrit la porte. Les parties intéressées, les officiers et la veuve, y entrèrent avec lui, et l'on commença par mettre les papiers courants à part, afin de les relever par ordre, et les uns après les autres. Comme on s'occupait à ce détail, un petit rouleau tomba, sur lequel étaient écrits ces 2 mots, « Ma confession ». Tous ceux qui étaient présents, n'ayant encore aucun motif de croire Sainte-Croix un malhonnête homme, décidèrent alors que ce papier ne devait pas être lu. le substitut du procureur général, consulté à ce sujet, fut de cet avis et la confession de Sainte-Croix fut brûlée. Cet acte de conscience accompli, on procéda à l'inventaire. Un des premiers objets qui frappèrent les yeux des officiers fut la cassette réclamée par Madame de Brinvilliers. Ses insistances avaient éveillé la curiosité, de sorte que l'on commença par elle. Chacun s'en approcha pour savoir ce qu'elle contenait, et l'on procéda à l'ouverture. Nous allons laisser parler le procès-verbal. Rien n'est puissant et terrible, en pareil cas, comme la pièce officielle elle-même. Dans le cabinet de Sainte-Croix s'est trouvée une petite cassette d'un pied en carré, à l'ouverture de laquelle s'est offerte une demi-feuille de papier intitulée « Mon testament », écrite d'un côté et contenant ces mots. « Je supplie très humblement ceux et celles entre les mains de qui tombera cette cassette de me faire la grâce de vouloir la rendre en main propre à Madame la Marquise de Brinvilliers, demeurant rue Neuve-Saint-Paul, attendu que tout ce qu'elle contient la regarde et appartient à elle seule, et que d'ailleurs, il n'y a rien d'aucune utilité à personne au monde, son intérêt à part. Et en cas qu'elle fût, plutôt morte que moi, de la brûler, et tout ce qu'il y a dedans sans rien ouvrir ni innover. Et afin que l'on en prétende cause d'ignorance, je jure sur le Dieu que j'adore et par tout ce qu'il y a de plus sacré, qu'on n'impose rien qui ne soit véritable. Si d'aventure on contrevient à mes intentions, toute juste et raisonnable en ce chef, j'en charge en ce monde et dans l'autre leur conscience pour la décharge de la mienne, protestant que c'est ma dernière volonté. Fait à Paris, ce 25 mai après-midi 1672. Signé de Sainte-Croix. Et au-dessous sont écrits ces mots, il y a un seul paquet adressé à M. Penautier qu'il faut rendre. On comprend qu'un pareil début ne fit qu'augmenter l'intérêt de cette scène. Un murmure de curiosité se fit entendre. Puis, le silence s'étant rétabli, l'inventaire continua en ces termes. S'est trouvé un paquet cacheté de 8 cachets, marqué de différentes armes, sur lequel est écrit « Papier pour être brûlé en cas de mort, n'étant d'aucune conséquence à personne. Je supplie très humblement ceux entre les mains de qui ils tomberont de les brûler. J'en charge même leur conscience, le tout sans ouvrir le paquet. Dans ce paquet s'est trouvé 2 paquets de drogue de sublimé. Item, un autre paquet cacheté de 6 cachets de plusieurs armes, sur lequel était pareille inscription, dans lequel s'est trouvé un autre sublimé du poids d'une 1/2 livre. Item, un autre paquet cacheté de 6 cachets de plusieurs armes, sur lequel était pareille inscription, dans lequel se sont trouvés 3 paquets contenant l'un une 1/2 once de sublimé, l'autre 2 onces et 1/4 ron de vitriol romain, et le 3e du vitriol calciné et préparé. Dans la cassette fut trouvée une grande fiole carrée d'une chopine pleine d'eau claire, laquelle, observée par M. Moreau, médecin, celui-ci a dit n'en pouvoir désigner la qualité jusqu'à ce que l'épreuve en ait été faite. Item, une autre fiole d'un demi-setier d'eau claire, au fond de laquelle il y a un sédiment blanchâtre. Moreau a dit la même chose que la précédente. Un petit pot de faïence, dans lequel étaient 2 ou 3 gros d'opium préparés. Item, un papier ployé, dans lequel il y avait 2 drachmes de sublimé corrosif en poudre. Plus, une petite boîte dans laquelle s'est trouvée une manière de pierre appelée « pierre infernale ». Plus, un papier dans lequel était une once d'opium. Plus, un morceau de régule d'antimoine pesant 3 onces. Plus, un paquet de poudre sur lequel était écrit « pour arrêter la perte du sang des femmes ». Moreau a dit que c'était de la fleur de coing et du bouton de coing séché. Item, fut trouvé un paquet cacheté de 6 cachets sur lequel est écrit papier pour être brûlé en cas de mort, dans lequel s'est trouvé 34 lettres que l'on a dit être écrites par la dame de Brinvilliers. Item, un autre paquet cacheté de 6 cachets, sur lequel est écrite pareille inscription que dessus, dans lequel s'est trouvé 27 morceaux de papier, sur chacun desquels est écrit « Plusieurs secrets curieux ». Item, un autre paquet, contenant encore 6 cachets, sur lequel était écrit pareille inscription que ci-dessus, dans lequel s'est trouvé 75 livres, adressant à diverses personnes. Outre ces objets, on trouva dans la cassette 2 obligations, l'une de Madame la Marquise de Brinvilliers, l'autre de Penautier. La première de 30 000 francs, la seconde de 10 000. Celle-ci correspondant à l'époque de la mort de M. Daubré père, celle-là à l'époque de la mort du sieur de Saint-Laurent. La différence des sommes fait voir que Sainte-Croix avait un tarif et que le parricide était plus cher que l'assassinat. Ainsi, Sainte-Croix, en mourant, lègue ses poisons à sa maîtresse et à son amie. Il n'a point assez de ses crimes passés, il veut encore être complice des crimes à venir. Le premier soin des officiers civils fut de soumettre ces diverses substances à l'analyse et de faire des expériences avec elles sur différents animaux. Voici le rapport de Guy Simon, marchand apothicaire, qui fut chargé de cet examen et de ces épreuves. Ce poison artificieux se dérobe aux recherches que l'on en veut faire. Il est si déguisé qu'on ne peut le reconnaître, si subtil qu'il trompe l'art, si pénétrant qu'il échappe à la capacité des médecins. Sur ce poison, les expériences sont fausses, les règles fautives, les aphorismes ridicules. Les expériences les plus sûres et les plus communes se font par les éléments ou sur les animaux. Dans l'eau, la pesanteur du poison ordinaire le jette au fond. Elle est supérieure, il obéit, se précipite et prend le dessous. L'épreuve du feu n'est pas moins sûre. Le feu évapore, dissipe, consume ce qu'il y a d'innocent et de pur. Il ne laisse qu'une matière âcre et piquante, qui seule résiste à son impression. Les effets que le poison produit sur les animaux sont encore plus sensibles. Il porte sa malignité dans toutes les parties où il se distribue et vicie tout ce qu'il touche. Il brûle et rôtit d'un feu étrange et violent toutes les entrailles. Le poison de Sainte-Croix a passé toutes les épreuves et se joue de toutes les expériences. Ce poison nage sur l'eau. Il est supérieur et c'est lui qui fait obéir cet élément. Il se sauve de l'expérience du feu, où il ne laisse qu'une matière douce et innocente. Dans les animaux, il se cache avec tant d'art et d'adresse qu'on ne peut le reconnaître. Toutes les parties de l'animal sont saines et vivantes. Dans le même temps, il y fait couler une source de mort. Ce poison artificieux y laisse l'image et les marques de la vie. On a fait toutes sortes d'épreuves. La première en versant quelques gouttes d'une liqueur trouvée dans l'une des fioles, dans l'huile de tartre et dans l'eau marine. Et il ne s'est rien précipité au fond des vaisseaux dans lesquels la liqueur a été versée. La seconde, en mettant la même liqueur dans un vaisseau sablé, et il n'a été trouvé au fond du vaisseau aucune matière aride, ni âcre à la langue, et presque point de sale fixe. La troisième sur un poulet d'Inde, un pigeon, un chien et autres animaux, lesquels animaux étant morts quelque temps après, et le lendemain ayant été ouverts, on n'a rien trouvé qu'un peu de sang caillé au ventricule du cœur. Autre épreuve d'une poudre blanche donnée à un chat dans une fraissure de mouton ayant été faite. Le chat vomit pendant une demi-heure et ayant été trouvé mort le lendemain, fut ouvert sans que l'on ait rencontré aucune partie altérée par le poison. Une seconde épreuve de la même poudre ayant été faite sur un pigeon, il en mourut quelque temps après et fut ouvert et ne fut rien trouvé de particulier, sinon un peu d'eau rousse dans l'estomac. Ces épreuves, tout en prouvant que Sainte-Croix était un chimiste profond, firent naître l'idée qu'il ne se livrait pas gratuitement à cet art. Ces morts subites et inattendues revinrent à la mémoire de tout le monde. Ces obligations de la marquise et de Penautier parurent le prix du sang. Et comme l'une était absente et que l'autre était trop puissant et trop riche pour qu'on osât l'arrêter sans preuve, on se rappela l'opposition de la chaussée. Il est dit dans cette opposition que, depuis 7 ans, la chaussée était au service de Sainte-Croix. Donc, la chaussée ne regardait pas, comme une interruption à ce service, le temps qu'il avait passé chez messieurs d'Aubray. Le sac contenant les 1000 pistoles et les 3 obligations de 100 livres avait été trouvé à la place indiquée. Donc, la chaussée avait une connaissance parfaite des localités de ce cabinet. S'il connaissait ce cabinet, il devait connaître la cassette. S'il connaissait la cassette, il ne pouvait être innocent. Ces indices suffirent pour que Madame Mangot de Villarceau, veuve de Monsieur d'Aubray fils, lieutenant civil, rendit plainte contre lui. En connaissance de cette plainte, la chaussée fut décrétée de prise de corps et arrêtée. Au moment de l'arrestation, on trouva du poison sur lui. La cause fut appelée devant le Châtelet. La chaussée nia avec obstination, et les juges, ne croyant point avoir assez de preuves contre lui, le condamnèrent à la question préparatoire. Madame Mangot de Villarceau appela d'un jugement qui sauvait probablement le coupable s'il avait la force de résister aux douleurs et de ne rien avouer. Et en vertu de cet appel, un arrêt de la Tournelle, en date du 4 mars 1673, déclara « Jean Hamelin, dit La Chaussée, atteint et convaincu d'avoir empoisonné le dernier lieutenant civil et le conseiller, pour réparation de quoi il fut condamné à être rompu vif et à expirer sur la roue, préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de ses complices. » Par le même arrêt, la marquise de Brinvilliers fut condamnée par contumace à avoir la tête tranchée.